est méprisant quand il cède au bizutage. Oui, il est vulgaire, ordurier même, quand il dit à Mademoiselle Wiseman, suce-moi salope. Vous avez le droit de ne pas aimer ça. Vous avez le droit de ne pas l'aimer lui, de le trouver insupportable. Mais que vous ne l'aimiez pas, ne faites pas de lui le coupable d'un viol.